إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد serviteur d'Allah, on va donc parler dans cette assise de la recherche de la nuit du destin, Laylat al-Qadr. En effet, on compte parmi les mérites de ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan que se cache en celle-ci une nuit meilleure que 1000 mois, qui est Laylat al-Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna mundhirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, c'est-à-dire le Coran. Nous sommes en vérité celui qui avertit. Durant celle-ci est décidé tout ordre sage. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. Nous l'avons certes fait descendre, c'est-à-dire le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne dans ces versets et dans cette sourate que le Coran est descendu durant la nuit d'Al-Qadr. Ceci nous indique donc que la nuit d'Al-Qadr a lieu durant le mois de Ramadan. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été descendu. Donc la nuit du destin, la nuit d'Al-Qadr, elle a lieu durant le mois de Ramadan. Et plus précisément, durant les 10 derniers jours. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de la rechercher durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, recherchez la nuit d'Al-Qadr durant les 10 dernières nuits de Ramadan. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Il convient donc aux musulmans de faire des efforts dans l'adoration afin de rechercher la nuit d'Al-Qadr durant ces 10 dernières nuits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi » Quiconque accomplit la prière de nuit durant la nuit d'Al-Qadr avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Donc celui qui prie cette nuit, la nuit d'Al-Qadr, qui est meilleure que 1000 mois, avec foi et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il ne prie pas par habitude, il ne prie pas pour faire comme les autres, mais il prie sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, recherchant la récompense qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors celui-ci se verra ses péchés pardonnés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit, il a dit que cette nuit, elle est meilleure que 1000 mois. Ceci nous encourage donc à quoi? À rechercher cette nuit, à prier durant les 10 dernières nuits afin de pouvoir avoir accompli la prière durant la nuit d'Al-Qadr. Ceci nous encourage à multiplier des efforts afin de tomber sur cette nuit qui est une nuit immense, qui est une nuit qui vaut plus que 1000 mois. Et il a été dit qu'elle a été appelée Laylat al-Qadr, la nuit de la valeur, car elle a une valeur immense. Et elle est très noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est meilleure que 1000 mois. خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. C'est-à-dire que les œuvres que tu accomplis durant cette nuit, comme la prière, la lecture du Coran, les invocations ou autres, elles sont meilleures que les œuvres accomplies durant 1000 mois. Cependant, il est important de savoir que cette nuit, elle n'a pas été déterminée. Et elle n'est pas fixe. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de nuit fixe durant le mois de Ramadan. Il se peut qu'elle soit une année durant la 21e nuit, 22e, la 23e, la 24e ou autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a caché cette nuit de par sa sagesse et sa miséricorde. Il a caché cela par sagesse afin de reconnaître Qui parmi ses serviteurs recherche le bien et qui ne le recherche pas? Car celui qui veut le bien parmi ses serviteurs, il est simple pour lui de prier durant ces 10 nuits. Il pourrait même prier le mois entier pour trouver cette nuit. Alors que dire de 10 nuits, 10 courtes nuits durant lesquelles tu recherches la nuit du destin? Il n'y a pas de doute que celui qui recherche le bien, il fera les efforts pour tomber sur cette nuit et obtenir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc une sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de distinguer parmi ses serviteurs qui recherche le bien et qui ne le recherche pas, afin de distinguer le bon du mauvais, afin de distinguer celui qui est actif dans l'adoration du paresseux qui n'en fait pas et qui ne recherche pas le bien. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de cela et de nous compter parmi ceux qui font des efforts durant ces nuits. Également, c'est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car ses serviteurs qui recherchent le bien, ils vont multiplier les adorations durant ces 10 nuits. Et ainsi, ils vont remplir leur balance de bonnes œuvres et ainsi multiplier les œuvres de bien durant ces 10 nuits. En effet, les efforts que tu fais en recherchant la nuit du destin, même si la nuit du destin n'est qu'une nuit parmi ces 10 nuits, les efforts que tu fais durant ces 10 nuits, Allah subhanahu wa ta'ala te récompense pour cela. Tu ne dois donc pas mépriser la récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le moindre bien que tu accomplis, tu en trouveras la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il te récompensera en bien pour l'ensemble de ses efforts. Tu ne dois donc pas désespérer. Et ceci est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si il avait déterminé cette nuit, il nous avait dit que la nuit du destin était durant telle nuit. Combien de nuits les gens auraient-ils fait des efforts? Ils n'auraient multiplié les efforts que pendant une nuit. Mais de par sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala a caché cette nuit afin que tes efforts soient multipliés durant ces 10 nuits. Et ainsi, tu augmentes le nombre de tes bonnes actions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la nuit du destin, donc, comme on a dit, les nuits les plus propices sont les 10 dernières nuits. Et plus propices encore, les nuits impaires parmi celles-ci, c'est-à-dire la 21e nuit, la 23e, la 25e, la 27e et la 29e. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Recherchez la nuit du destin durant les nuits impaires ». Et la nuit la plus propice à ce que ce soit la nuit du destin, Laylat al-Qadr, c'est la 27e nuit. Et ce, comme l'ont mentionné un grand nombre parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi eux, Abdullah ibn Abbas et Ubay ibn Ka'b, radiyallahu ta'ala anhum, ainsi que d'autres. Mais comme on l'a dit, cette nuit n'est pas fixe. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa sagesse, il l'a cachée afin que les musulmans multiplient les adorations dans l'ensemble de ces 10 nuits. De la même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a caché l'heure durant laquelle les invocations sont exaucées le jour du vendredi, et ce afin que les musulmans multiplient les invocations durant ce jour. Il est donc recommandé pour les musulmans de multiplier les adorations durant ces 10 nuits, afin de tomber, incha'Allah ta'ala, sur la nuit du destin. Et parmi les choses légiférées durant cette nuit, le fait de multiplier l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à Aïcha radiyallahu ta'ala anha. En effet, elle lui a dit « Ô messager d'Allah, si je suis durant la nuit du destin, que dois-je faire comme invocation ?» Il lui a alors dit « Dis, ô Aïcha, Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Ô Allah, tu es certes pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. » Et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed ainsi qu'Ibn Majah, rahimahum Allahu ta'ala. Donc le musulman, durant ses nuits, il doit multiplier cette invocation. Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Et ceci a été légiféré afin que l'homme, il ne s'enorgueillisse pas de ses œuvres et qu'il se rende compte de ses manquements vis-à-vis du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, il doit faire des efforts durant ces 10 dernières nuits en recherchant la nuit du destin. Tu implores le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu multiplies cette invocation. Tu multiplies les œuvres pieuses. Car cette nuit, c'est une occasion que tu ne dois pas rater. Et c'est une occasion qui ne se représentera peut-être pas. Tu ne sais pas si tu seras encore vivant l'an prochain pour rechercher cette nuit-là. Tu ne sais pas si Allah subhanahu wa ta'ala te donnera encore l'occasion de jeûner ce mois de Ramadan. Tu ne sais pas si tu seras encore vivant et si tu auras encore la santé pour faire des efforts durant ces nuits l'an prochain. Donc, tu ne dois pas laisser cette occasion s'échapper. Et tu dois multiplier les œuvres pieuses durant ces 10 dernières nuits en espérant tomber sur la nuit du destin qui est meilleure que 1000 mois. 1000 mois qui représentent plus de 80 ans. Donc, c'est une occasion immense que le musulman ne doit pas négliger. Et pour cela, il doit multiplier les efforts et redoubler d'efforts et multiplier les adorations pour Allah subhanahu wa ta'ala durant cette nuit en espérant tomber sur cette nuit qui est meilleure que 1000 mois et qui est donc d'un mérite immense. Tu dois donc faire des efforts, serviteur d'Allah, faire des efforts dans l'adoration d'Allah, faire des efforts dans les œuvres pieuses en les accomplissant sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin d'obtenir le succès et la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, le ruiné et le malheureux est celui qui est privé de la récompense de cette nuit. C'est celui qui passe ses nuits dans les divertissements, la distraction et l'insouciance. C'est celui qui ne profite pas de ces 10 dernières nuits pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui les passe dans les péchés et la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu sens que tu as été négligent, tu dois t'empresser de te repentir à ton Seigneur, d'implorer son pardon, et tu dois savoir qu'il t'a ouvert la porte du repentir, qu'il t'a appelé à celle-ci et qu'il t'a réservé ces moments pour accomplir le bien durant lesquels il décuple les récompenses des bonnes actions et durant lesquels il pardonne les péchés et affranchit ses serviteurs du feu. Tu dois donc t'empresser aux serviteurs d'Allah de prendre pour toi et d'accomplir pour toi les causes afin d'obtenir le salut. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite de multiplier les œuvres pieuses durant ces nuits qui sont devant nous et qu'il nous permette d'accomplir la prière ainsi que de l'adorer subhanahu wa ta'ala comme il l'agrée durant la nuit du destin. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayran.